fois je me demande où va le monde, comment arrêter ça. Y'a encore trop de gens qui succombent, de la famine et du sida. Je lance une pensée profonde à ceux qui meurent au combat, ceux qui font fleurir toutes ces tombes dans le paradis d'ici-bas. Y'a encore trop de gens qui succombent.